Chapitre 31e, l'embardé de Sidi. Nous avons vu Sidi, le chauffeur, enlever sa voiture, comme là-bas, d'un coup d'éperon, en Algérie, on enlève un cheval arabe d'un saut, d'un bond, pour l'envol fantastique. Dans la voiture, Gabriel et Lamorce tenaient l'énorme paquet formé par la portière, dans laquelle le valet de chambre était roulé, ficelé. Sur le siège, à côté de Sidi, un homme de la brigade se tenait pour seconder les deux lieutenants à tout hasard. Sidi, au volant, faisait exécuter à sa voiture des bolts, des virages sur deux roues, des acrobaties à faire frémir. Lui riait, heureux, content. Chaque fois qu'il avait failli faire rompre le cou à ceux qu'il transportait, dans son sabir algérien, il criait « Tu n'as pas peur, mon ami, jamais verser, jamais mourir !» C'était vraiment un miracle que jusque-là, ce fou qui semblait voler, qui se glissait entre les voitures, passait, on ne voyait comment, dans les plus inextricables embarras, puis continuait sa route sans accroc. « Il y a un bon Dieu pour les maboules comme moi, » répétait-il après chaque prouesse. À cette allure folle, l'auto arriva au pont au change. « On y est, mon vieux, » dit Sidi à l'homme de la brigade, qui, moins que rassuré, se tenait sur le siège à côté de lui. « Voilà la tour pointue. Dans 2 minutes, on aura mis en lieu sur le colis postal du chef. » Il allait crier encore. « N'aie pas peur, mon ami !» Mais son cri joyeux se changea en un juron formidable. Et Sidi lui donna son volant en tour brusque, à faire virer complètement la voiture. En même temps, il trompeta si fort que la poire de caoutchouc lui claqua dans la main. En entrant sur le pont, il n'avait rien aperçu devant lui, et tenait réglementairement sa droite. Tout allait bien. Il poursuivit, accélérant. À ce moment, vers le milieu du pont, un petit homme, courbé, en cheveux blancs sous un grand chapeau, lunettes sur le nez, canne à la main, vêtu d'une ample redingote, dont les poches étaient gonflées de livres achetés sur les quais, de journaux, un vieux professeur, un savant comme on en voit tant fouillé dans les boîtes des bouquinistes, allait de son pas menu trottinant sur le trottoir. Tout à coup, sans que rien ne pût le faire pressentir, ce vieux savant prit fantaisie de changer de direction. Au lieu de continuer sa route tout droit, il fit un crochet net et s'engagea sur la chaussée, poursuivant sans doute son rêve, son idée de savant, sans se soucier des voitures. Précisément, l'auto de Sidi arrivait à sa hauteur dans son allure folle. Sidi corna, puis donna le coup de barre et fit, dans un juron algérien, dont du frémir le firmament, prendre à sa voiture une embardée à tout casser. À tout casser, Sidi l'avait bien dit, car tout cassa. Derrière lui, derrière son auto, une autre auto venait, suivait, semblant emboîter son pas, rouler dans son sillage, marcher à son allure. Cette auto continua sa route tout droit. Le chauffeur ne pouvait voir l'obstacle, le vieux savant, et d'ailleurs, il n'aurait pas eu le temps de faire la même manœuvre que Sidi. Bref, emporté par son élan, la nouvelle auto se jeta contre la voiture de Sidi. Le choc fut formidable. Les deux voitures s'accrochèrent, se bousculèrent, se brisèrent à demi. Sidi fut jeté en avant. Il passa dans une voltige admirable par-dessus son volant et alla tomber sur la chaussée, devant son capot immobilisé et défoncé. Son compagnon de siège fut lancé sur la chaussée, tout meurtri, tout sanglant. Gabriel et Lamorce, surpris, furent jetés en avant et donnèrent dans les glaces, les brisant, se blessant. Le roto, les deux roues de gauche fauchées, brisées au moyeu, se pencha. Ils roulèrent avec leurs prisonniers. La seconde voiture était également brisée. Des cris avaient été poussés quand le choc se produisit, et tout de suite, très promptement, une dizaine d'hommes se trouvèrent là, semblèrent comme par enchantement sortir du pavé pour porter secours. Sidi, lui, déjà s'était relevé. Naturellement, son bon Dieu pour les maboules l'avait encore protégé, il n'avait rien. Son crâne avait bien donné sur le pavé, mais c'était un crâne d'Algérien, et ce fut le pavé qui céda, du moins il l'affirma plus tard, et le prouva en ce moment. Son honneur de chauffeur dans cette aventure seule était meurtri. Furieux, il se releva, et vint à sa voiture qui suivait la sienne, se promettant de dire quelque chose au chauffeur qui la conduisait, sur qui il voulait faire retomber le poids de l'accident. Il le croyait pris, lui aussi, dans l'emboutissage et il le cherchait. Mais il eut la surprise de voir que ce chauffeur avait, pour ainsi dire, sauté de son siège avant l'accident, car il se trouvait à quelques mètres de là, boitant, s'étant quelque peu endommagé dans son seau. Des hommes de bonne volonté l'aidaient à marcher, l'entraînant vers une voiture qui stationnait, ronflait tout près de là. Sidi ne fit qu'un bond. Il sauta la gorge du chauffeur. « Comment ? » cria-t-il. « Tu m'accroches et tu files. Tu abandonnes ta voiture. Attends un peu qu'on s'explique. » Les deux hommes qui soutenaient le chauffeur voulurent intervenir, emmener quand même leur homme. Mais Sidi n'entendait pas de cette oreille, n'entrait pas dans la combinaison. Il voulait garder le chauffeur pour s'expliquer devant le commissaire. Les deux hommes repoussèrent violemment Sidi. Le jeu des poings commença. Sidi boxa ses deux adversaires. Il vit dans leurs mains tout à coup les matraques en caoutchouc qui assomment. Sur son crâne, une de ces matraques s'abattit terriblement. Mais son crâne d'Algérien qui avait résisté au pavé se souciait peu d'un bout de caoutchouc. Il le fit bien voir. Sidi pencha le buste et tournoya sur son pied gauche comme un homme qui tombe assommé. Mais son pied droit, dans une envolée effroyable, vint donner du talon sur la tempe de l'homme qui lui avait porté le coup de matraque, et l'homme, la figure à demi écrasée, s'abattit à terre. C'était un coup de rajba, ou savate indigène, que les Arabes emploient et dont les effets sont redoutables, mortels. Son coup de pied porté avec ce résultat, Sidi mis en goût, se retrouva aussitôt sur ses deux pattes. Il avisa le chauffeur et bondit sur lui, et lui porta dans l'estomac un tel coup de tête, comme un mouton kabyle, que le malheureux s'écroula à côté de l'homme à la matraque, sans connaissance, vomissant le sang à pleine bouche. Quant au troisième larron, il avait cru prudent de fuir, de se perdre dans la foule depuis un moment exagérément grossi. Mais Sidi, emporté par son élan, roula à terre avec sa victime, son chauffeur, que maintenant il tenait par le cou et serrait de toute la force de ses mains. Quand on le releva, on le mit debout avec son chauffeur qu'il ne voulait pas lâcher. Pendant les quelques minutes que dura cette scène, la foule entourait la voiture dans laquelle Gabriel et l'amorce, assez endommagés et fortement abasourdis par le choc, aveuglés par le sang, meurtris par le bris des glaces et malgré leur énergie, se remettaient lentement. Des hommes, de ces sauveteurs de bonne volonté qui se présentent à toute occasion dramatique, envahirent la voiture, s'emparèrent d'eux. Malgré leur résistance, ils les sortirent de la voiture, les maîtrisant, les tenant par les épaules, par les bras, les portèrent ainsi sur le trottoir. Des deux voitures endommagées, maintenant tout le monde s'écartait, car soudain le réservoir de la voiture qui avait abordé celle de Sidi prit feu. Gabriel et l'amorce luttèrent, se dégagèrent enfin, s'arrachèrent aux mains qui les tenaient et coururent à leur voiture, que gagnaient les flammes, pour enlever le prisonnier roulé dans la portière, l'empêcher d'être brûlé vif. Mais ils ne trouvèrent plus que la portière défaite et les chaînettes d'acier coupées. L'homme qu'elle enfermait, le prisonnier de Paulin Broquet, le complice de Zigomar, avait été enlevé. Dans la foule, un homme dit à un autre curieux, avec l'accent américain le plus caractéristique, « C'était un très beau accident, indeed. »« Yes, » répondit l'autre. Celui qui parla d'abord était Will Wilson, celui qui lui répondait, un japonais.